vous êtes fidèle au poste de radio, vous êtes fidèle à Radio Radio le jeudi soir et vous avez reconnu derrière moi la musique de Jean Cohen Solal, Captain Tarte aux Pommes. Jean Cohen Solal, on va en parler en toute fin d'émission. C'est vraiment autre chose et c'est aussi au pied de la lettre. Au pied de la lettre, de quoi s'agit-il ? Eh bien, au pied de la lettre, c'est une série de hors-série que nous faisons dans vraiment autre chose, série qui est consacrée, hors-série qui sont consacrées à la Nurse with Wound List. Alors, de quoi s'agit-il ? Si vous avez manqué les épisodes précédents, un petit résumé très rapide. Nurse with Wound, un groupe de musique expérimentale, avant-gardiste, collage, indus, new wave. Ils ont traversé tellement de périodes qu'on pourrait quasiment leur accoler tous les adjectifs possibles et imaginables pour définir la musique étrange des années 70. En tout cas, voilà, Nurse with Wound est un trio qui sort son premier album en 1979 et qui a la très bonne idée dans ce premier album de mettre une liste de leurs influences, 240 noms, après ils en rajouteront dans l'album suivant. La liste en tout fait 300 noms et elle est restée dans l'histoire des fans de musique comme étant la Nurse with Wound liste. Pourquoi elle est intéressante cette liste, mais à plus d'un titre. Déjà parce que les musiciens de Nurse with Wound clament à qui veut l'entendre qu'ils ne sont pas musiciens, qu'ils n'ont jamais touché d'instrument avant d'enregistrer ce premier album en studio, et que nul n'est besoin d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir écouter, de savoir entendre les musiques, et c'est pour ça qu'ils ont adjoint à leur premier album la liste de tout ce qui les avait influencés. Elle est énorme cette liste. Ces gars-là, et particulièrement John Forest Hill et surtout Steve Stapleton, sont des fondus de musique. Voilà des gars qui passent leur journée chez les disquaires de Londres ou d'ailleurs afin d'écouter tout ce qui sort un peu des sentiers battus, tout ce qui est expérimental. Voilà, alors ça va être sur des conseils, ça va être des fois en bloquant sur des pochettes et ils vont découvrir, ils vont s'enrichir musicalement pour créer par la suite leur propre univers musical. Et cette liste-là, 300 noms, des gens très connus, on a parlé de Captain Beefheart il y a deux émissions de ça notamment, on y retrouve Frank Zappa, Christian Vander, on y retrouve Can, notre ami Nico va nous en parler tout à l'heure, et il y a aussi des choses totalement obscures qui ne seraient jamais restées dans l'histoire de la musique sans cette liste, parce que cette liste, bah, elle a vécu sa vie, c'est une douzaine d'années plus tard, c'était devenu vraiment la liste référence si on voulait vraiment connaître les choses obscures des années 70. Les disquaires ont créé des rayons spéciales Nurse with Wound List en mettant tous les disques d'artistes qui apparaissaient sur cette liste. Que dire de plus, il y a pas mal de labels qui se sont mis à ressortir carrément des albums, toujours sous le même prétexte. Hein. Ils sont dans le Nurse with Wound List, il y a des gens que ça intéresse, donc on les ressort. Et effectivement, bonne pioche, parce que voilà, cette liste a donné beaucoup de célébrité à des choses qui auraient pu rester dans les tiroirs de l'histoire de la musique. Et ben nous aussi, on apporte notre petite pierre à l'édifice depuis une dizaine d'émissions. Là, c'est la dixième d'ailleurs, notre dixième au pied de la lettre, où on part dans une tentative d'exploration radiophonique de cette Nurse with Wound List. On vous présente un par un tous les groupes ou artistes apparaissant dans cette liste. On essaie de vous raconter un peu leur histoire, de vous faire écouter un peu leur musique, de partager ça avec vous. Et c'est pour nous l'occasion aussi de faire des découvertes sensationnelles. Ce soir, il y en aura aussi. Et en parlant de sensationnel, ben, j'ai le grand plaisir de ne pas être seul en studio. Elle est en face de moi, elle est revenue, elle est là, elle est toujours aussi sémillante et pétillante, et je ne connais pas la différence entre ces deux adjectifs. Il s'agit de Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de revenir dans les studios, quel plaisir de vagabonder dans les groupes et dans cette liste si incroyable. Ah, ça c'est ton adjectif favori, ça fait plaisir de l'entendre. Et nous avons aussi, grâce aux joies du numérique, nous sommes aussi à Cherbourg, nous sommes aussi à Bruxelles, puisque nous sommes en compagnie, j'ai commencé par Cherbourg, on est en compagnie de Tony, de Radio La Cherche. Bonsoir Tony. Bonsoir Manu, bonsoir Inès, bonsoir Toulouse. Bonsoir à toi, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Ah, ce soir, eh bien, c'est les 100 ans de la radio, c'est la semaine des 100 ans de la radio. Et les 40 ans, je crois, des radios libres. Quel hasard, quelle coïncidence. Ce soir, j'ai choisi deux groupes un petit peu, deux groupes, un monsieur et un groupe un petit peu au hasard. Et une fois de plus, je suis complètement heureux. Je lisais la bio d'un des musiciens qu'on va entendre ce soir et j'ai raté l'heure de l'école, c'est pour vous dire, tellement j'étais absorbé dans cette vie incroyable de ce grand monsieur dont nous parlerons tout à l'heure. Eh ben, on a hâte d'entendre ce grand monsieur qui commencera par un C, hein, j'ai pas précisé, mais là ce soir on est toujours sur la lettre C, et trois émissions qu'on est dessus, et il y a tellement de quoi s'y attarder qu'on s'y attarde, et en parlant de s'attarder, on va s'attarder longuement aussi sur Cannes, en compagnie de notre ami Nico. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Inès, bonsoir Gwen, non Gwenolé n'est pas là, bonsoir Manu et bonsoir Tony. Et oui, on est ravis d'être avec vous ce soir avec la lettre C au nouveau pour vous laisser découvrir un peu le groupe Cannes. Mais il y a aussi un musicien dans ce groupe-là qui s'appelle Holger Tsukai et c'est aussi avec un C. Donc, je pense une belle histoire à raconter plus tard dans l'émission. Ouais, et ça nous fait particulièrement plaisir à vraiment autre chose que tu t'attardes sur Cannes parce que on fait des petites cartes postales avec Radio et on a des visuels et le visuel de vraiment autre chose, c'est justement Holger Tsukai. Ouais. Avec tout à fait. Son petit chapeau, je crois qu'il a un cigare ou quelque chose comme ça. Et c'est notre visuel, donc c'est très bien que tu t'y attardes ce soir et merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, du plaisir, on va pas en manquer ce soir. On va beaucoup parler de musique. C'est moi qui vais démarrer la danse. Et si j'ose dire, parce que c'est si vous arrivez à danser sur le groupe dont je vais vous parler maintenant, bah, c'est que vous vous serez levé de bonne heure. Et tant mieux. Apparemment, il paraît que l'avenir vous appartient quand vous vous levez de bonne heure. En tout cas, on va parler d'un groupe qui s'appelle Chrome, qui nous vient de San Francisco, qui a été formé en 1975 par un musicien qui répond au doux nom de Damon Edge. Bon, en fait, c'est pas son vrai doux nom, son vrai nom c'est Thomas Wyss, mais c'est son nom de musicien, Damon Edge, un batteur notamment, chanteur, il fait du clavier, il fait de la production musicale, et ça on va vraiment s'en rendre compte un petit peu plus tard dans l'émission. Ce groupe, il le forme avec un pote à lui, le bassiste Gary Spain. Je ne sais pas si c'est un pseudo ou pas. En tout cas, voilà, Thomas Wyss, Damon Edge, étudie au California Institute of the Arts. Donc, on est à San Francisco. Et il est féru de sons inhabituels. C'est un peu sa marotte. Et en plus, il fait un petit voyage au Maroc. À un moment, il entend beaucoup de musique arabe et ça l'influence beaucoup. Il commence à mettre un rythme derrière la musique qu'il veut créer. Il propose des idées de chansons. Et la musique de Chrome, au début, voilà, c'est une atmosphère avec des mélodies à 3 ou 8 notes superposées à un bourdon atonal, le tout soutenu par une section rythmique. Et c'est ainsi que naît et que se crée la musique de Chrome qui va les amener à sortir leur premier album, The Visitation, avec John Lambdin qui les rejoint à la guitare et Mike Lowe qui les rejoint aussi à la guitare. Beaucoup de guitares dans ce groupe-là de Chrome. Cet album, The Visitation, il l'envoie Warner, au label Warner, en se disant bon, bah, on va sortir ce disque là-bas. Warner leur répond de façon très lapidaire, on dirait un album de The Doors foiré. Voilà ce que c'est votre musique. Sympathique. Voilà, c'est direct. Mais alors, le gars, Damon Edge, pour lui, c'est carrément le meilleur compliment qu'on pouvait lui faire. Donc, ça lui fait vraiment plaisir et il lâche pas du tout l'affaire. Il lâche tellement pas l'affaire qu'il décide de créer son propre label pour sortir cet album-là. Et grand bien lui en fasse. C'est le premier album de Chrome. C'est pas l'album le plus représentatif de ce que va devenir le groupe par la suite, mais on entend un petit peu déjà les bribes du son très spécifique de Chrome. Donc, on va s'écouter un extrait donc de cet album-là, The Visitation, et l'extrait que j'ai choisi, le temps de le retrouver, il est là, il s'appelle Sun Control, et c'est par ça qu'on va démarrer donc ce petit au pied de la lettre, dans la joie et la bonne humeur. Alors c'est parti, Chrome, le titre Sun Control, et puis on reparlera un petit peu de tout ça juste après. Now, Et donc Sun Control, titre du premier album de Chrome, The Visitation, sorti donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur l'autoproduction chez Sirène Records. C'est le nom du label créé par les musiciens pour pouvoir sortir leur premier album. Album qui fera pas grand bruit. Bon, peut-être ce côté d'ors foiré qui a pas spécialement plu à tout le monde. Et puis, c'est un album qui a pas une très très grande personnalité, enfin peut-être un peu le début du morceau par exemple que t'as entendu, ça c'est assez symptomatique du son de Chrome, c'est une espèce de petit bidouillage studio, et ça deviendra de plus en plus leur marque de fabrique, surtout à la sortie de leur deuxième album. Entre-temps, un des musiciens quitte le groupe, le chanteur-guitariste Mike Lowe, si je dis pas de bêtises, et il est remplacé par Elios Creed, nouveau guitariste, et qui, lui, a le point commun d'être, avec Edge, d'être un grand fan de bidouille. Alors là, les deux s'enferment en studio et c'est parti, on enregistre, mais surtout on bidouille, on compresse, on colle, on fait des choses relativement invraisemblables pour sortir leur deuxième album, Alien Soundtracks. Alors à la base, cet album devait s'appeler Ultra Soundtracks, parce que ça, c'est un des trucs de Chrome, c'est qu'ils définissent leur musique comme étant de l'ultra-rock. Et ce deuxième album, ils l'écrivent au début pour que ce soit la bande originale, la musique d'un striptease radical à San Francisco. Mais la musique est refusée, parce que trop radicale. Même si le striptease l'était, là, non, la musique l'est beaucoup trop. C'est pas possible, un truc pareil, comme je l'avais tout à l'heure dit en préambule, on peut pas vraiment danser sur la musique de Chrome, surtout à partir de cet album-là, Alien Soundtracks, qui est un véritable bijou. Moi, je vous avoue que j'ai eu un mal de chien à choisir qu'est-ce qu'on allait écouter de cet album-là, parce que c'est vraiment, tous les morceaux ont une identité, un son hyper particulier, mais notamment par ce que je disais là, c'est cette espèce de bidouillage de studio. Et je vais pas vous faire languir plus longtemps, on va s'écouter un extrait donc de cet album-là, on en reparlera juste après. C'est le titre qui ouvre l'album, je suis pas allé chercher très loin dans l'écoute, mais voilà, là vous allez entendre ce que c'est vraiment que le son de Chrome. Le titre, c'est Chromosome Damage. Allez, c'est parti, Chromosome Damage, Chrome sur Radio Radio. Thieves and cheats, going off the map, going in the war. Don't know what I say, but I need no more. Cheating and sweeping, finding all the land. Oh yeah, I don't know what to say, I find. I wanna fly away. Et on va pas bouder notre plaisir, on continue l'exploration de cet album de Chrome, donc Alien Soundtracks, sorti en 1976 chez Siren Records. Le titre qu'on va écouter maintenant, c'est The Monitors. C'était The Monitors à l'instant, donc toujours, toujours Chrome, toujours l'album Alien Soundtracks. Bah voilà, je crois que ces deux morceaux représentent assez bien le son qui restera le son de Chrome pendant de longues années, pendant pas mal d'albums, et notamment sur celui-là, Alien Soundtracks, et qui est vraiment ouais, surprenant de bout en bout. C'est vraiment un album, je connaissais pas Chrome, j'ai écouté ça cette semaine, et ouais, t'es... Tout le temps, dès que tu crois savoir où est-ce que ça va, ben non, ça y va pas, ça bouge. Ouais, carrément un bidouillage radio, moi ça me fait penser beaucoup à ça. Le truc où tu fais, tu commences un peu à faire des découpages et tout. C'est assez rigolo, en même temps une grosse empreinte rock psyché. Ouais, entre autres, c'est une des spécificités de ce groupe, je trouve. C'est que leur musique, elle contient ce qui, pour moi, serait presque un antagonisme avant d'avoir écouté cet album-là, à savoir, c'est du punk, mais c'est du psyché. C'est du ouais, punk ultra psyché. Bizarre. J'arrive ouais. pas à me... Il me trouble. Là, j'arrive pas à me positionner. Est-ce que vraiment j'écoute du punk ? Parce que sur la formation, des morceaux extrêmement courts comme ça, à 2 minutes, voire 1 minute 30, t'as envie que ce soit du punk, en même temps, t'as un son psyché. Et du coup, ça te brouille. Et c'est ça qui est intéressant dans leur musique. Et en plein milieu de tout ça, bah, ils brouillent encore plus parce que voilà, les deux sont des gros gros fans de bidouillage et ça brouille encore plus parce que le son est compressé des fois de façon hyper bizarre. Donc ouais, chers amis auditeurs, c'est pas la peine de vous lever pour monter le son quand il est bas parce qu'après vous allez vous faire défoncer les oreilles. Ils jouent vachement là-dessus, vachement sur les amplitudes sonores, vachement sur le collage, sur la compression. Enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup d'effets. Fait, c'est aussi un gros gros travail de studio, enfin de studio. Là, ça se fait dans la cave, hein. Ça se fait dans la cave d'un des musiciens à bloc d'acide. On va pas se mentir, hein, et ça s'entend très très, ça s'entend vraiment dans cette musique là. Et puis il y a aussi une grosse cosmologie, là je ne saurais pas vous traduire les paroles, mais il y a un côté assez, assez politique dans les paroles, et aussi tout un univers science-fiction. Voilà, le but c'est de faire de la musique pour les extraterrestres, vraiment c'est le but annoncé, les deux sont des gros fans de Philip K. Dick, et... Ça s'entend pas mal dans le son et dans le côté un peu bizarre et schizophrène que peut avoir cette musique-là. On va s'écouter un morceau de plus. Alors, je sais même pas lequel choisir. Allez, on va s'écouter Sleep It to the Android. Voilà, très, très kadikien comme morceau. Puis après, je vous parlerai un petit peu plus de Philippe K. Dick et de Chrome. Allez, c'est parti. Sleep It to the Android, Chrome. Split It to the Android, c'est le nom du morceau qu'on vient d'entendre à l'instant. Toujours tiré du premier album, du deuxième album de Chrome, Alien Soundtracks. Un album qui, par contre, autant le premier était un peu resté dans les tiroirs, alors celui-là remporte un grand succès. Non pas à San Francisco, Étonnamment, parce qu'à San Francisco, à ce moment-là, il y a une scène extrêmement vivace, notamment les Residents, qui officient depuis le début des années 70, qui ne sont pas les derniers d'ailleurs, pour faire énormément de bidouilles et de compression et de bandes à l'envers et de construction et de collages étranges. Mais ce n'est pas à San Francisco donc, que Chrome trouvera le succès, mais bien en Angleterre et en Europe. Donc pas étonnant que ce soit arrivé à l'oreille de Stephen Stapleton. Et pour le peu que j'ai pu entendre de la musique de Nurse With Wound, ouais, la parenté, là pour le coup, elle est vraiment évidente. Je vous parlais tout à l'heure de l'auteur de science-fiction Philip K. Dick, à qui on doit un nombre incalculable de romans et de nouvelles et qui ont beaucoup inspiré notamment le cinéma hollywoodien et puis le cinéma indépendant. Et on retrouve dans les paroles et dans l'univers de Chrome un peu toutes les obsessions de K. Dick, notamment les machines. Les machines ont-elles une âme? Est-ce que les moutons rêvent est-ce que les androïdes la nuit rêvent de moutons électriques? C'est le titre de la nouvelle qu'a par la suite inspiré le film Blade Runner. Et on est vraiment en plein là-dedans. Et justement, je crois que c'est en 76 que Philip K. Dick est invité à Metz pour faire une conférence sur son œuvre. Et là, il part dans un espèce de trip. Bon, faut voir, hein, j'emploie pas le mot trip pour rien, parce qu'on est vraiment dans une époque où les gens carburaient aux acides et où, de toute façon, certains scientifiques avaient dit que le LSD serait un élément essentiel pour la suite des recherches, parce que ça ouvrait vraiment, vraiment l'esprit. Donc à ce moment-là, les délires sur LSD, on les prend vraiment au sérieux. C'est le cas de K. Dick en 76 à Metz, qui explique en fait très clairement: vous n'aimez pas votre monde, bah pas de problème, prenez-en un autre, il y en a plein. La théorie de K. Dick, c'est qu'il y a plein d'univers, il y a plein de mondes parallèles, enfin pas parallèles, c'est lui il voit ça de façon orthogonale, et on peut glisser comme ça d'un monde à un autre. Lui d'ailleurs, il ébobie tout son auditoire à Metz en expliquant que là, la réalité, c'est pas ça. En fait, on n'est pas dans la réalité. Là, actuellement, nous sommes des esclaves romains réduits en esclavage, à qui on montre des images. On est persuadé que notre réalité, c'est ça, mais non, en fait, la réalité, c'est autre chose. Et c'est ce côté un peu schizophrénique qu'on retrouve dans la musique de Chrome. Si t'aimes pas le psyché, pas de problème. Monte sur l'orthogone, tu vas avoir du punk. Ouais, remonte encore, tu vas avoir de la bidouille, tu vas avoir les prémices de la musique indus, tu vas avoir les prémices de la new wave. Enfin, vraiment, on est complètement là-dedans. Et ce qui fait que cet album, Alien Soundtracks, paru en 76, est vraiment un petit bijou que je recommande particulièrement. Et je résiste pas au plaisir de remettre encore un extrait. Allez, je suis très gourmand, on va beaucoup s'attarder sur Chrome, mais vraiment, ça vaut le coup. Le titre qu'on va s'écouter, c'est Magnetic Dwarf Reptile. Allez, c'est parti. Thank you. Magnétique Doigt Reptile, tout un programme, c'est le titre qu'on vient d'entendre à l'instant. Donc c'est toujours Chrome qu'on explore un petit peu dans Radio Radio et qu'on découvre dans vraiment autre chose pour notre plus grand plaisir. J'ai eu un mal de chien, je vous ai dit, à sélectionner les morceaux à passer ce soir, et je vous invite vraiment à découvrir par vous-même tout ce que je vous ai pas fait écouter ce soir de cet album-là, parce que c'est une véritable merveille, Alien Soundtracks. Il se trouve que ça s'écoute gratuitement sur Bandcamp, donc du coup n'hésitez pas, parce qu'il y a quelques perles que j'ai pas pu vous passer ce soir, notamment le slow, entre guillemets, Nova Feedback, qui est une véritable merveille, ST37, enfin voilà, tout cet album, Pygmies in the Dark, qui est un morceau incroyable, enfin vraiment... Un album à ne pas manquer, qui a vraiment un son très spécifique. Je connais aucun groupe qui sonne comme ça, comme c'est Chrome. Et on se dit, mais bon, d'accord, ok, il pose des bases très très fortes. Et qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Alors, par la suite, en 1979, ils sortent un album qui s'appelle Half Machine Lip Moves. La lèvre de la moitié de la machine bouge. Donc on est encore dans un univers très très kadikien. Donc les mecs sont vraiment à fond de ça. Et que dire, que ça pose carrément les bases de ce que par la suite on a appelé la musique indus. Mais vraiment, moi qui suis qui ai été dans ma prime adolescence un grand fan de Ministry, en écoutant cet album, je fais ah ouais, ah ben d'accord, ah mais ok, mais en fait d'accord, ça vient carrément de là. Et un propos un peu plus âpre, encore plus rock, encore plus punk, encore plus radical. Là le psyché, pour le coup, on l'entend encore moins. Et un album tout aussi essentiel, tout aussi magique, que je n'aurai de cesse de vous recommander. Et j'en veux pour preuve le titre qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Mando Anthem, donc tiré de l'album en 1979 de Chrome, Half Machine Lip Moves. La semaine dernière, je vous parlais de ce groupe-là, Shillom, qui avait changé 4 fois de nom pour autant d'albums. Bah là, voilà, un groupe qui n'a pas changé de nom, mais qui sort 3 albums. Y a une espèce de progression, mais c'est vraiment 3 univers musicaux tellement, tellement différents. C'est ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait donc, de Half Machine Lip Moves. Sorti en 1979. Là, pour le coup, Helios Creed est complètement au bar de la composition. Enfin, ils sont plus que deux, quoi, à écrire, à créer cet univers-là, à passer des nuits entières à enregistrer, et ensuite à tout rebidouiller, tout retrafiquer, tout repasser à l'envers, tout compresser, voir comment ça sonne. Des heures et des heures de travail sous psychotrope, mais pour sortir un résultat qui s'écoute très agréablement, même sans psychotrope. Je pourrais vous parler pendant, je pense, une émission de 2 heures de ce groupe, tellement j'ai pris une énorme tarte à écouter ça. C'est vraiment très plaisant, mais on va pas avoir le temps. Faut que je laisse la parole à mon ami Tony, qui va nous amener dans un univers complètement différent. Donc, avant de rendre la main, un petit dernier extrait de ce Half Machine Lip Moves. Ce serait dommage de s'en priver. Le titre Abstract Nympho pour terminer donc cette tentative d'exploration de Chrome dans une tentative d'exploration de la Nurse Wizard List. Ah! Vous l'aurez compris, je pourrais y passer des heures. Waouh. C'est incroyable. On passe du côté obscur de la force. Ouais, carrément. J'aurais passé des heures à vous parler de Chrome, de, et notamment de ces deux albums-là. Et pour la suite, je vous invite à être curieux et à aller écouter ça. Ça s'écoute gratuitement sur Bandcamp. Ça fait toujours plaisir. C'est pas forcément le cas de tous ces groupes des années 70. Mmh. Mais là, ça a été réédité. Ça a été Bandcampé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu sur ce Half Machine Leap Moves et sur ce Alien Soundtracks, qui sont vraiment deux albums vraiment incroyables et composés tellement de bases de choses qu'on a pu écouter par la suite que ouais, c'est fou de se rendre compte que ça datait de si tôt. Je pense que c'est intéressant d'écouter les l'un après l'autre, parce qu'il y a une réelle évolution dans leur musique et la manière dont ils la conçoivent et la manière dont ils la font. Et je pense que ça peut être pas mal de se prendre deux heures bien tranquille et écouter ça à la suite. Ouais, vraiment. Carrément. Tony, Nico, on vous entend plus trop. Chrome, ça vous parle ? Ah oui, c'était un sacré voyage un peu extraterrestre, complètement fou. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, c'est un chouette groupe. Hein. C'est un groupe qui existe encore toujours actuellement. Ok, c'est pas comme à l'époque, mais ça reste quand même de musique qu'il faut se connaître un peu dans son mémoire, qu'il faut le garder dans son mémoire et dans son dictionnaire musical. Ouais. Eh ben, en tout cas, c'est rentré en force dans le mien et je suis pas prêt de lâcher ça. Déjà qu'avec Crass la semaine dernière, Nico, tu avais réveillé le punk qui est en moi là, comme disaient les Winkles. Mais là, waouh, je retrouve l'amour que je pouvais avoir à une certaine époque pour la musique indus. Ouais, c'est vraiment un groupe magistral. Je suis ébobi. Merci en tout cas. Ben avec plaisir. Et puis, toi, la parole, très cher, puisque tu nous amènes vraiment autre chose. On va changer de style quand même relativement. Je vais vous faire découvrir Monsieur Henri Chopin. Qu'elle ne fut pas non plus ma surprise, comme je disais en début d'émission. J'ai raté l'heure de l'école tellement j'étais absorbé dans un texte de lui. Je vous inviterai après, je vous en parlerai. Il y a beaucoup de choses à lire sur Henri Chopin sur les internets. Donc, ce monsieur est né à Paris en 1922, en fait. Alors, il a témoigné là-dessus, je ne vais pas me lancer là-dedans, ça va être long, mais il y a plein de témoignages, c'est très émouvant, en fait, quand il se fait réquisitionner en 42 par le STO, et puis, en fait, lui, il se planque, il ne veut pas y aller, et il se fait arrêter, et donc, en 43, il se fait déporter en Allemagne. Et alors après, c'est toute une histoire compliquée. Il va dans des camps en Russie et en fait, il va finir la guerre avec les Russes. Il raconte énormément de choses par rapport et à la Tchécoslovaquie et à la Pologne et à la Russie. Enfin voilà, il vit énormément de choses et il en témoigne. Il est libéré en 52. Alors bon, après, je ne sais pas pourquoi en détail, mais en tout cas, en 1952, il se marie avec une Écossaise qui s'appelait Jean Radcliffe et qui va être très, qui va lui apporter quelque chose d'assez énorme dans sa vie puisqu'elle lui fait découvrir T.S. Eliot, le poète américain, et le grand James Joyce, l'écrivain irlandais. En 1953, il rencontre Alta Gore, que je ne connaissais pas du tout non plus, qui est le créateur de la métapoésie. Et notre cher ami Henri devient éducateur pour enfance inadaptée, à Saint-Rémy-des-Landes, je crois. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, dans le langage, dans la transmission des mots, et comme vous allez pouvoir le constater, dans le langage corporel, va être très important pour lui. En 1955, il achète son premier magnétophone, un magnétophone à bande, donc un Revox, je crois, que quelqu'un lui montre. Et il commence à expérimenter, en fait, de la poésie sonore, quoi, qui va être, qui en fait, par la suite, parce que je crois que ses premiers enregistrements commencent en 58, et donc qui va être beaucoup plus corporel que linguistique, vous allez l'entendre. En fait, c'est chouette, parce qu'avec Henri Chopin, en fait, moi, je rencontre tout un monde, je pensais être plutôt proche, à la première écoute, de Antonin Artaud, mais en fait, pas du tout, parce qu'on n'est pas vraiment dans la littérature. À un moment aussi, je pensais être assez proche de Pierre Schaeffer, donc le pionnier de la musique concrète en France, et en fait pas du tout non plus, parce que Henri Chopin, il va vraiment travailler sur la voix, le mot, le corps, les consonnes et les prises de son, en fait, avec des micros dans la bouche, sur les dents, sur la langue. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Internet en 2005 et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, pour continuer un peu son histoire, il rencontre l'électriste. Et alors, pareil, personnage très important qui s'appelle Isidore Isou. Isidore Isou. Alors, pareil, complètement incroyable, ce monsieur, hein, c'est l'inventeur, je crois, du mouvement lettriste. Lui, il est roumain, élevé par un père assez sévère et ambitieux, et a priori, il est surdoué. Alors, il lisait Dostoïevski à 13 ans, Karl Marx à 14 ans, et Marcel Proust à 16 ans. Et en fait, je crois qu'il a voyagé, il est parti à Paris, à pied, et bah, il a quand même rencontré Tristan Tzara, Georges Bataille, Raymond Queneau, et avec tous ces gens-là, a créé tout le mouvement lettriste. Alors notre ami Henri Chopin rencontre tous ces gens-là. Je crois qu'il commence ses enregistrements en 58. Ensuite, dans les années 60, il crée des revues poétiques, il crée des émissions radiophoniques, et il crée une revue disque avec William Burroughs. Dans les années 70, il y a un premier film qu'il réalise sur la poésie sonore qui a été produit en Suisse. Il fait des émissions de radio sur France Culture et il participe au colloque de Tanger avec Brian Gissing et William Burroughs, encore une fois. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble avec William Burroughs, qui était aussi un grand amateur de collage poétique. Sa femme décède en 1985 et lui, en fait, il part en Angleterre rejoindre ses enfants. Dans les années 90, il enseigne en 92 et en 93 à Vienne dans une école de poésie. Et il quitte ce monde en 2005. On va écouter un peu tout d'une traite. Moi, j'aimerais bien. C'est un album qui s'appelle Audio Poems. Non, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Audio Poems, je crois. Audio Poems. C'est les enregistrements de 58 à 1980. Ouais, c'est Audio Poems. Et en fait, on va écouter les trois premiers morceaux. Donc un morceau qui s'appelle Rouge, un morceau qui s'appelle Dynamisme intégral. Et en fait, j'ai pas réussi à avoir trop d'infos dessus, mais je pense que c'est vraiment que du travail de bande et de micro. Et le troisième morceau s'appelle French Lesson. J'aurais juste finir avec des phrases de Henri Chopin, moi, qui m'ont. En fait, j'adore, quoi. Et je crois que je vais passer du temps à lire. Parce qu'en fait, il explique sur Poptronix, d'ailleurs, Poptronix, c'est un site qui a l'air vraiment bien, sur Internet, il explique qu'enfant, il refuse d'aller au conservatoire parce qu'il s'appelle Chopin. Et du coup, moi, je trouve ça trop rigolo. Il dit, bah non, je ne veux pas aller au conservatoire, tout le monde va se moquer de moi. Et en fait, je vais juste vous lire un petit truc qui est vraiment chouette de ce grand monsieur. Eh ben, je l'ai perdu. Non, je ne l'ai pas perdu. Alors voilà, je vous lis ça. Et puis, mon cher Manu, quand tu vas m'entendre m'arrêter, tu vas pouvoir passer les morceaux. Alors, Henri Chopin écrit, « Dans les années 80, il y eut ce gros livre sur la poésie sonore grâce à Michel Giroux, Poésie sonore internationale en 1979. Là-dedans, il y a énormément de réponses. Naturellement, c'est moi qui l'ai écrit. Mais il y en a une qui devrait vous intéresser. Elle est en anglais parce que l'anglais est plus lu que le français. C'est une histoire des sons enregistrés. Quelle surprise ! Vous n'apprenez pas ça dans les écoles. Ça date de 3000 ans avant Jésus-Christ. Il n'était pas gravé dans la cire. Il n'existait pas, mais ça a commencé. Aux Indes, dans les chants, dans les danses, en Chine, en Égypte, en Grèce, à Rome et en Scandinavie, ainsi qu'en Afrique. De quoi s'agissait-il ? Des enregistrements à eau et à vent. Par exemple, dans le Tyrol, j'ai vu un enregistrement à eau qui descend d'une montagne pendant à peu près 30 mètres. Où on fait dégringoler l'eau rugissante. C'est du Stockhausen réussi. Je vous assure que c'est vrai, c'est quelque chose d'étonnant. Donc depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, on a tout à redécouvrir. Et c'est l'ouverture de ce livre. Ensuite, il y a tout ce qui s'est passé, et j'ai appris beaucoup de choses, aussi bien sur les phonétiques que sur les sonorités. Rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge, rouge. Choc, choc, choc, dur et rouge, rouge, rouge, rouge.

Waouh, il est 22h09 sur Radio Radio, vous écoutez vraiment autre chose, la 173e édition, au pied de la lettre 10, on est toujours dans notre tentative d'exploration de la Nurse with Wound List, et on a pu goûter toute la variété que pouvait proposer cette liste en passant comme ça de Chrome à Henri Chopin. Et en même temps, il y a une petite, il y a des points communs, et en même temps, on est vraiment dans un univers différent et vraiment fou, Inès. Une sacrée expérience. On était là dans le studio à juste regarder dans le vide et à écouter ces sons et ces paroles assez hallucinantes. Pareil, je repense, ça me fait penser au groupe juste qu'on a écouté avant, mais une évolution dans les trois morceaux ou quatre morceaux qu'on vient d'écouter. Et où ça va en crescendo et ça nous amène et ça nous accompagne et c'est assez intéressant. Je suis pas du tout habituée à ce style de musique et en même temps il me touche parce que il y a une rythmique qui se crée qui est fascinante et c'est important de le dire. Voilà, ça ressemble à de la musique. Je pense que beaucoup seront pas d'accord et je sais que je pourrais avoir des débats avec des amis qui diront que c'est pas de la musique, mais il y a quelque chose de musical dans la manière dont c'est construit. Et Henri Chopin, quelle découverte, quoi. Alors, si je peux rajouter un truc, en fait, il était éducateur pour enfants à Saint-Martin-de-Ré, il rencontre une mercière en 55 et qui avait un petit magnétophone miniature et qui, en fait, ça lui servait à prendre ses commandes à la dame. Et lui, il est fasciné par ce truc, il lui emprunte et il commence à lire ses poèmes. Mais en fait, ces poèmes, ils valaient pas un clou. C'était vraiment mauvais selon lui. Et en fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'au lieu d'être désespéré, il s'est dit en fait qu'il fallait savoir utiliser le mot, le son de sa voix, qu'il fallait savoir utiliser la voix. Et il rajoute quelque chose qui est très juste et qui est vraiment prenant. C'est que en fait, on a 7000 ans d'oralité depuis les Étrusques et on a juste 3 ou 4 siècles de poésie écrite qu'on nomme aussi littérature. Voilà, je vous laisse avec ça, avec Henri Chopin, et je trouve ça très juste. Ouais. Et en fait, le deuxième morceau qu'on a entendu, effectivement, j'ai réécouté tout à l'heure avec vous, et c'est vraiment que des sons de bouche, hein, des micros qui se mettent dans la bouche, qui se mettent sur les joues. Et voilà, et je vous invite. Alors après, la discographie, elle est monstrueuse. Hein, je ne sais même pas si c'est trouvable, mais voilà, je vous invite à découvrir, à vous regarder cette vidéo aussi en 2005. C'est impressionnant. Il a un visage incroyable en plus. Et avec son Revox là, et moi il m'a fait penser à des concerts que j'ai pu voir, tu vois, dans la musique noise, mais pas à ce point là, quoi. Voilà, vraiment là, c'est vraiment, voilà, grande découverte que monsieur Henri Chopin. Ouais. Bah, moi, ça a une petite tendance à m'envoyer à des gens comme Sébastien Lespinas qui ont beaucoup participé à cette émission il y a une petite année de ça, Charles Penquin, enfin toute la vague justement de poètes sonores actuels et qui jouent comme ça, non pas avec le sens des mots, mais avec le son. Le son des mots, le son de nos voix, de nos lèvres, de nos dents et de nos langues quand on prononce ces mots-là. Ah, c'est hyper beau ce que tu nous as fait entendre. Hein. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. On l'oublie un peu souvent, le rapport à la voix, à la langue, à la bouche, aux dents. J'ai l'impression, en tout cas dans les musiques que j'écoute régulièrement, la voix et l'importance de juste la parole, et enfin en tout cas nos sons qu'on prononce. C'est assez intéressant de pouvoir se reposer là, comme avec Henri Chopin, et se dire, bon, en fait, le premier instrument qu'on a là, tous et toutes, c'est cette voix, quoi. Et c'est assez fascinant tout ce qu'on peut faire. Et typiquement, c'est ce qu'il fait avec ses poésies sonores. Et je suis très content d'avoir remis un peu le doigt dessus. Et l'oreille. Nico, c'est à toi la parole. Oui, c'est... Attends, est-ce que mon micro est ouvert ? Voilà, ok, mon micro est ouvert. Voilà, j'ai aussi tellement bien adoré cette intervention autour de Henri Chopin. Et ça m'a laissé aussi un peu réfléchir à la dadaïsme de Kurt Schwitters. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Kurt Schwitters, c'est son Ursonate. Oui, oui. Alors là, pour le coup, c'est Sébastien Lespinas qui nous en avait parlé, qu'on avait même fait une version très personnelle de la Oursonate en, en lisant des extraits de L'Humanité, précisément. Voilà. Voilà. Et donc, je, maintenant, je vais me plonger dans la lettre C, pas uniquement comme nom de groupe, mais aussi dans, dans une ville. On va y aller vers Cologne. Et il y a aussi un musicien dans sa formation de laquelle je vais parler, c'est Olga Tsukai, aussi avec un C, comme je disais au départ. Et aujourd'hui, on est déjà dans le mois de juin 2021. Et ça, cela ferait exactement 53 ans que lorsque Olga Tsukai, à la basse, David Johnson, à la flûte, le batteur de Jackie Liebezeit et le guitariste Beat Michael Caroli se sont rencontrés dans l'appartement du chef d'orchestre et pianiste classique Armin Schmidt à Cologne en 68. Leur premier concert, un collage de musique rock et de samples sur bande, a eu lieu au Schloss Norwenisch, un château près de Cologne. Le spectacle est documenté sur la cassette audio Prehistoric Future, un joli petit objet qui donne une bonne indication de la direction qu'ils veulent prendre, mais du point de vue du son, c'est une autre affaire. Le collectif, son nom, avait établi son premier studio, Inner Space, au château, lorsque le sculpteur américain Malcolm Mooney, en visite chez Ehrman, et Hildegard Schmidt, a rejoint le groupe. Son intuition conduit les musiciens vers une approche unique de la musique rock, et le titre Father Cannot Yell est issu d'une de ses premières sessions. David Johnson, qui est alors devenu l'ingénieur du son du groupe, quitte le groupe à la fin de 68. À cette époque, l'absence de nom est résolue par Mooney et Liebezeit, qui proposaient Decan. Pour la sélection de la musique, je me suis fixé comme objectif de me limiter à des morceaux de musique pas trop longs. La plupart de leurs albums contiennent des morceaux de 10, 15 et 20 minutes. Mais ici, j'ai été un peu sélectif pour ne pas prendre trop de temps de l'émission de ce soir. Et on va écouter un premier morceau qui vient de donc, le tout premier album où que le groupe s'appelle encore Decan. Le morceau s'appelle Outside My Door et qui était sorti sur le, en 69 sur le titre d'album Monster Movie. Can you hear the train whistle outside your door? Want to dance all some more? Can à l'instant, Outside the Door, tiré du tout premier album de Can, Monster Movies, c'est bien ça Nico? Tout à fait, donc c'était le premier album de Can qui a défini la musique de Can, joué et enregistré de manière spontanée et animée par des rythmes répétitifs. L'album a été enregistré directement sur une machine à deux pistes, puis largement édité. Malcolm Mooney, le chanteur, quitte le groupe et retourne aux États-Unis. L'époque de Mooney est largement documentée sur l'album de Can qui s'appelle Delay de 68, mais qui était sorti uniquement en 82. La question est de savoir s'il est trompé du nom, parce qu'il s'appelle Malcolm Mooney, donc c'est M-O-O-N-E-Y. Je pense que c'est plutôt Malcolm Mooney avec un O, qui ça veut dire que d'argent. Était probablement meilleur. Malcolm se consacre plus à de l'art d'aujourd'hui, mais continue à enregistrer à la musique de façon sporadique, entre autres avec Ava Mendoza. Au début de l'année, j'ai été en contact avec son manager pour faire une interview. Il était d'accord, mais pas pour plus que de 30 minutes, à moins qu'il y ait un paiement. Maintenant, ceux qui me connaissent savaient que 30 minutes n'est rien, donc j'ai levé mon majeur une fois. Désolé pour cette expression, mais quand même. En mai 70, le chanteur japonais Kenji Damo Suzuki rejoint Can après avoir été repéré par Holger Tsukai et Jackie Liebeside en train de faire la manche à Munich. Le soir même, il se reproduit avec le groupe au Club Blow Up, l'album Soundtracks qui comprend des musiques de films de 69 et 70 ou 70, est le premier album avec Damo. En décembre 71, Can fonde le Can Studio, connu sous le nom de Inner Space jusqu'en 78, date à laquelle le preneur du son de Can, René Tinner, prend la direction des opérations dans un ancien cinéma près de Cologne. Tous les albums ultérieurs de Can y ont été produits, à l'exception de Right Time. Le studio a été minutieusement démonté et reconstruit à l'échelle pour servir d'exposition au musée allemand du rock and pop à Grenoble, près de la frontière néerlandaise. La période de 70-72 est une période percée par le groupe avec Tago Mago, qui impressionne les critiques en Angleterre et en France, ainsi qu'en Allemagne. Ege Bamyasi, sorti en 72, contient le titre Spoon, le thème du film policier Das Messer est le premier succès du groupe en Allemagne. Ce titre, qui était la première fois que Can utilisait une version préconçue d'une boîte à rythme. Ege Bamyasi comprend également la musique d'une autre série policier télévisée qui s'appelle Vitamine C. Et c'est maintenant ce qu'on va écouter, un morceau de Vitamine. On va écouter maintenant ce morceau-là, Vitamine C, directement ensuite avec un morceau qui vient de l'autre album Tago Mago, où le titre de le morceau s'appelle Mushroom. You lose it. Douce voix de Damo Suzuki, on vient d'écouter à l'instant dans Cannes. Vitamine C tiré de l'album Ejeba Miyasi et Mushroom tiré de l'album Tagomago, quoi, qui sont un peu les deux albums phares de Cannes, si je ne m'abuse. Tout à fait, c'est ça. C'est aussi le succès de Spoon, qui est un des morceaux qui se trouve sur l'album Ejeba Miyasi, a incité le groupe à essayer d'atteindre un public plus large, ce qui a donné naissance au Cannes Free Concert, au Concerts, l'hebdomadaire musical britannique Melody Maker écrit « Cannes est sans aucun doute le groupe de rock expérimental le plus talentueux et le plus constant de l'Europe, Angleterre compris ». Future Day, c'est l'album de 73 et c'est en même temps le dernier album de Cannes avec Damo Suzuki. C'est d'abord Michael Caroli qui prend en charge les fonctions vocales, puis de courts interludes avec une succession de chanteurs parmi lesquels Tim Hardin. L'album Landed de 75 est le premier album de Cannes à être produit en utilisant la technologie multipiste. L'album a conduit Melody Maker à les appeler l'unité rock la plus avancée de la planète. Et on va écouter un morceau de cet album-là qui s'appelle Hunters and Collectors et qui était sorti en 75. Hunters and Collectors all come out at night. Hunters and Collectors never see the light. It will all be up before the sun is up. And it will all be down before the moon goes down. Don't touch me. hunters and collectors, you'll never see the night. 30 dead like kids on the gangbang train. Catch a big brown man with a snakeskin bed. Dirty Palomina is talking to a cop. She says if you don't start law, you never have to stop. Dur de se dire que c'est le même groupe qu'on a écouté juste avant. Quoi. Là, pour le coup, gros virage niveau son. Ouais, tout à fait. C'est, comment dire, il n'y a pas trop de mots pour ça, il faut l'écouter. Et c'est ce qu'on va faire. On va directement enchaîner avec un deuxième morceau d'un album de l'année juste avant, qui s'appelle Limited Edition. C'était un album qui était imprimé sur 15 000 exemplaires et qui était directement, comment dire, un sold out, qui était, oui, tous les albums étaient vendus en quelques mois. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Mother Up Duff. Düsseldorf, 1969. Mr. and Mrs. Updoff and Grandmother Updoff decided they were going on a vacation. Mother Updoff hadn't been out of Düsseldorf in 80 years. They packed the car with their tent and equipment and started driving off to Italy. Mother Updoff was reading about the mafia on her way to Italy. Off they went, driving in their automobile. Finally, they got to Italy. Beautiful old Italy, fantastic sights. Pompeii they went to. They went to Pompeii, they went to Venice, they went to Sicily, they went to Florence. Their final stop was Rome. Off to Rome. Rome. There they were in Rome. Old paintings, old buildings, fantastic sights to see. Mother Updoff decided she was going out on the beach for a walk. Out she went for a walk. Mr. and Mrs. Updoff decided they would follow. Off they went behind Mother Updoff, trailing behind her. Mother Updoff was walking down the street, looking in all the shop windows. Finally, or is it the beginning? Mother Updoff was standing there, watching in the fish market. A gigantic octopus leaped out of the pool and snatched Mother Updoff up. Little did they know what to do. Mother and father Upduff looked, not having any money at all, decided that they would have to wrap her up in their tent and carry her back to Dusseldorf. Wrapping her up in the tent, putting her on top of the car, and fiercely driving off to Dusseldorf. Zoom, off they went back to Dusseldorf. On the way to Dusseldorf, as they were still in Italy, they drove into a cafe to have a cup of coffee. Drinking their cup of coffee up, coming back outside, their car had been stolen with their luggage. Oh là là, c'est... J'ai pas l'impression qu'on écoute le même groupe depuis le début, c'est vraiment ouf. Alors j'avais une question là qui me traînait depuis tout à l'heure, et comme t'enchaînais des descriptions intéressantes, je suis pas arrivé à le dire, mais j'ai senti une espèce de thématique à un moment entre et toi, t'es en train de perdre de la vitamine C, le morceau d'après c'était Mushroom, tu nous as parlé de Spoon aussi, tiré de l'album Egebamiassi, bon Spoon c'est la cuillère, Sharing the Spoon, on partage une cuillère... J'ai l'impression qu'il y a une thématique forte à un moment donné de ce groupe autour de la drogue, ou c'est moi qui hallucine, c'est juste des coïncidences de titres ? Je ne sais pas de parler dans leur nom, mais je pense qu'il y a probablement une vérité dedans. Peut-être. Tu le sais peut-être ou Ah mais pas du tout. Moi, Cannes, voilà. Je les ai découverts justement avec Egebamiassi. Je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin, c'est cet album-là de Cannes que j'ai découvert en premier. Et Vitamine C, c'est un morceau j'écoute hyper souvent, qui me fout la patate et tout. Et à force d'écouter, de commencer à faire gaffe aux paroles, je me disais, ouais, quand même, partager une cuillère, tu perds de la vitamine C. Il y a tout un truc qui m'a l'air assez proche de la drogue. Et puis en plus, niveau son, je parlais tout à l'heure de Chrome, qui ne se cachait pas de composer sous LSD. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Bon, bien sûr, chronologiquement, c'est Chrome qui s'est inspiré de Cannes, mais je me demandais si Cannes aussi, comme pas mal de groupes de l'époque, on avait parlé d'Amandoul, pas mal de groupes allemands de l'époque, plaçaient la drogue officiellement dans leur source d'inspiration, ce qui est pas un mal, hein, parce que ça s'écoute sans drogue avec plaisir aussi. Ouais, je pense que c'était quand même souvent des communautés qui les gens se connaissaient, se visitaient tout le temps. Et donc, je peux m'imaginer que ça arrivait pas mal fois qu'il y ait des soirées assez agréables et de partager des petites substances qui pourraient aider de fantaser, de créer de la musique et toutes des choses comme ça. Ouais, c'est complètement envisageable. Bah, hein. Puis, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, hein, j'avais vu un super documentaire sur Philippe K. Dick. On est vraiment dans une époque où le LSD, ça a tellement été une révolution qu'il y a vraiment des scientifiques très sérieusement, des religieux aussi, hein, qui disaient « ça va vous aider à voir Dieu, il faut en prendre ». Les scientifiques qui disaient « on ne pourra plus faire de recherche scientifique sans ça maintenant, ça va devenir indispensable, c'est un outil, quoi, vraiment ». Et des musiciens qui ont eu la même pensée, la même démarche de se dire que c'était voilà, que ça ouvrait tellement de portes de la perception, là, comme disait Aldous Huxley, que c'était indispensable le LSD pour pouvoir créer de la bonne musique. Ouais. Je pense aussi qu'une chose qui manque sur beaucoup des albums, c'est ce qu'il n'a pas indiqué, quelle est la drogue le plus appropriée pour écouter cette musique-là. Donc, quelle situation qu'ils ont de créer et est-ce que c'est intéressant d'utiliser la même substance au moment que tu l'écoutes ou pas, tu vois? Ah, c'est marrant. Bah, il n'y a pas si longtemps, avec Guédolé, on avait une espèce de rubrique dans cette émission où on parlait d'accord alcool et musique. Genre, qu'est-ce qu'il faut écouter sur cet album-là? Bah, à mon avis, plutôt un bon rouge. Non, là, tu vois un petit rhum ambré, c'est ce qui passe à merveille. Donc, on travaillait un petit peu sur qu'est-ce qui pouvait aider encore plus à s'ouvrir justement la perception à une musique. Et en tout cas, Can, j'ai écouté ça dans divers états, et y compris de façon complètement sobre, et ça marche à tous les coups, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est peut-être pour cette raison-là qu'il y a encore maintenant des gens qui découvrent leur musique, parce que je ne sais pas combien de fois que leurs albums sont réédités. 40, 50, 60 fois quelques albums, c'est fou. Et encore actuellement, ça reste une musique très actuelle. Ils sont aussi un des grands influenceurs de la musique. On parle souvent qu'il y a de Rolling Stones, il y a de Beatles, qui étaient les deux formations les plus importantes. Mais je pense qu'on oublie souvent de citer aussi qu'il y a Ken, qui était le troisième. Les gens qui n'adoraient pas de Beatles ni de Stones pouvaient se retrouver dans Cannes, et actuellement, ça reste encore toujours actuel, et c'est encore une musique très, très moderne. Si tu réécoutes des albums de The Stones ou de Beatles, on l'entend que ça date des années 60-70, mais avec Cannes, pas du tout. Je ne suivrai pas forcément sur les Beatles, mais c'est un projet énorme débat. Mais... moi, je trouve que les Beatles, ça reste encore extrêmement actuel, quoi. C'est pas le genre de son dont on parle dans vraiment autre chose, mais c'est en termes de recherche, en termes de... ouais, ils sont quand même allés très loin. Très, très loin, les gars. Mais en tout cas, Can, ouais, c'est vraiment un groupe majeur. Tu as bien raison de le préciser. Tony, t'en penses quoi, tout ça? Can, c'est ta cam? Bah, Can, oui, j'ai entendu mes deux morceaux préférés, Vitamine C et puis celui d'après, parmi ce que je connais, puisque je ne connais pas tout. Effectivement, j'ai un ami hier qui m'a dit qu'il avait acheté cet album Rose, un live de Can en 72-73, et il était très content, il était en train de l'écouter. Bah oui, un grand groupe qui n'a pas pris une ride, drogue ou pas drogue, moi j'ai envie de dire que ça fait le même effet, c'est encore mieux avec un casque. Ouais, carrément. Voilà. La qualité du son est incroyable, je ne m'attendais pas à ça. C'est propre. Bah, si. C'est très propre, quoi. Ouais. C'est magnifique. Je préfère Can aux Beatles. Mais c'est mon choix. Débat ouvert, ça commence à s'engueuler, c'est l'heure. Allez. Nico, est-ce que tu vas nous aider à trancher entre Can et les Beatles? En tout cas, on en veut plus. Excuse-moi. Je disais, est-ce que tu peux continuer à nous aider à nous faire notre opinion là, si on va préférer Can, les Rolling Stones ou les Beatles avec un petit peu plus de Can? Oui, tout à fait. Donc, parce que on vient justement d'écouter le dernier morceau de leur album Limited Edition qui était sorti en 1974, qui était aussi, comme je disais avant, imprimé sur 15 000 exemplaires, et après quelques mois, il était complètement sold out. Et donc, ils ont décidé de faire un autre album 2 ans plus tard, aucune partie de cet album-là est repris et avec un deuxième album inclus. Et ça s'appelle The Unlimited Edition, qui était une version entendue d'un album qui avait été rapidement épuisé en émission limitée de 15 minutes, comme je disais. Parmi les morceaux figurant les expériences à multiples facettes connues sous le nom de Ethnological Forgery Series, abrévié comme EFS. Flow Motion, également sorti en 1976, donc deux albums sur un an, et contenait le tube disco I Want More. Et donc là, tu veux plus, donc tu vas l'avoir dans quelques instants. Holger Tsukai avait pris sa retraite en tant que bassiste et sur Dow Delight, il était chargé des sons spéciaux. Son nouvel instrument est un récepteur radio à ondes courtes, bien que son idée de créer de nouvelles impulsions pour le processus musical par le biais de signaux radio ne s'inscrivait pas dans la nouvelle structure de Ken. Elle devient la base de son premier album solo, Movies, qui était sorti en 1979. L'album suivant de Ken, Out of Reach, qui était sorti en 1978, a été enregistré sans Tsukai, qui avait quitté le groupe en mai de 1977 lors de la dernière tournée de Ken. Et on va écouter donc un morceau qui vient de l'album Flow Motion et qui est intitulé I Want More, qui était sorti en 1976. Effectivement, là, c'est carrément du disco. Ouais. Funès, mais ils ont touché à tous ces gens, c'est fou. Tu es maintenant convaincu que c'est très proche de The Beatles dans un sens. Non, mais complètement, non, mais je rentrais pas dans le débat à savoir si Cannes c'était mieux ou moins bien que les Beatles. C'est juste que tu as dit à un moment que les Beatles avaient moins bien passé les années. Et là, je suis pas d'accord sur ce point de vue précis. Je trouve que les Beatles ça a toujours très bien passé les années, contrairement aux Stones. Là, pour le coup, moi je me retrouve beaucoup moins dans les Stones, je trouve ça très daté, mais je trouve que les Beatles, c'est intemporel. Mais Can l'est tout autant, et forcément, tu connais mon amour pour l'étrangeté et surtout pour le fait de ressentir de la surprise en écoutant de la musique. Donc oui, entre les deux, mon cœur va plutôt pencher vers Can. Mais je ne laisserai pas dire que les Beatles, c'est un groupe daté, je les trouve intemporels. Voilà. Okay. Voilà, pas de souci, pas de souci. Et donc... une chose qui m'a aussi un peu surpris, c'est pour quelle raison Holger Zucker a se retiré de la base en 76-77, parce que en fin 80, le maxi de Les Vampirettes sort avec Holger Zucker sur basse. Donc, j'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que c'est la vraie raison pour laquelle il a arrêté de jouer la basse avec Can et qu'il a finalement quitté le groupe? Je ne sais pas si que tu as peut-être la réponse ou tu es au courant de ça. Non, j'avoue, non, non. Donc pour moi, ça reste aussi toujours une question ouverte. Et une autre chose que je me posais aussi, que comme tu es aussi un grand fan de krautrock, je pense que tu connais aussi le studio de Connie Plank. Non, Pat, je suis pas spécialement un grand fan de krautrock. J'avoue que c'est un des avantages de la Nurse with One List, c'est que je me replonge dans ce genre-là, parce que j'avoue qu'en dehors de Can, de Abacus, je connaissais un peu Amondoul, mais pas tant, en fait. Du coup, non, le krautrock, jusque-là, j'étais un peu passé à côté. Et puis, je trouve que depuis qu'on fait ces émissions au pied de la lettre et qu'on parle de krautrock, on est dans des sonorités qui... Comment dire, ça m'a l'air d'être un peu comme le Rock in Opposition, le krautrock, en fait. C'est très vaste, en fait. Ouais, j'arrive pas à définir un son commun à tout ce qu'on a pu écouter. Certains groupes de psyché, oui, à peu près encore, mais là, la Can, si Can c'est du krautrock, alors c'est vaste le krautrock. Ouais, tout à fait. Donc, ça reste la question, c'est quoi le krautrock? Mais parce qu'aussi, dans cette époque-là, il y a une autre formation qui s'appelait Neu, et là, l'ingénieur du son était Connie Plank, qui a presque produit peut-être 70 ou 80% des albums de krautrock étaient enregistrés par lui. Et je me posais la question, pourquoi qu'il y a un seul album où qu'il a participé avec Can et pas plus des albums. Donc, mais je n'ai pas de réponse et je pense que je ne vais pas l'avoir ce soir. Mais peut-être aussi qu'il y a des auditeurs ou auditrices qui le savent. Pourquoi pas nous en communiquer? Pour quelle raison que Connie Plank n'a pas... on glissait plus des albums avec Can, parce qu'aussi, avec les projets après, il y a plusieurs albums qui étaient enregistrés avec Connie Plank. Donc, et ce n'était pas très loin, parce que Can était situé à Cologne, donc, et le studio de Connie Plank était aussi dans cette région-là, en Allemagne, donc ce n'est pas si trop loin pour y aller. Mais voilà, donc je pense qu'on a... Peut-être on peut lancer une hypothèse que, enfin, là, surtout là, au fil de ce que tu nous as fait écouter ce soir, vraiment l'impression qu'on n'a pas affaire à un groupe qui tient absolument à avoir un son, alors peut-être que ça ne les intéressait pas de travailler tout le temps avec le même ingé son, peut-être que justement, parce que dans ce qu'on a entendu, surtout au début, là, le premier morceau avec Malcolm Mooney, on était sur quelque chose de beaucoup plus lo-fi, si j'ose dire, garage. Ouais. Ensuite, on est passé à des choses hyper produites, comme l'a très bien souligné Inès. Et ouais, j'ai l'impression d'un groupe qui ne tient pas forcément à avoir le même son, alors peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas travaillé avec le même ingé son, qui en plus a une patte très personnelle, quoi, qui est à lui. Mmh. Oui, tout à fait. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour clôturer cette petite aventure qu'on fait ensemble avec Can. Et on va écouter un dernier morceau qui peut-être regroupe un peu tous les styles différents. C'est peut-être un peu trop dit, mais quand même, on va écouter un morceau où on entend vraiment plusieurs styles différents, plusieurs approches différentes. Et le morceau s'appelle Peking O, qui était sorti en 71 sur l'album Tago Mago. Allez, c'est parti. It's good. through the window. Let's just go. Let's just go. Let's just go. Let's just go. Let's just go. We'll be right back. Il y a toujours un blanc, on ne sait plus qui prend la parole. Et puis surtout, après 11 minutes comme ça, c'est chaud d'enchaîner. La preuve, je ne dis rien là, je parle, mais c'est du vent qui sort de ma bouche par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Waouh, quel beau morceau, 11 minutes, assez incroyable, qui change tellement souvent, c'est fou. Ouais. Carrément. On est toujours sur Radio, hein, pour ceux qui nous prendront en cours. Ce qu'on vient d'entendre à l'instant, donc, c'était le titre Peking O, tiré de Tagomago, je crois, de Cannes. Et c'est l'ami Nico qui nous fait, depuis pas loin d'une heure, découvrir et redécouvrir ce groupe fondamental que nous découvrons ou redécouvrons dans le cadre de notre exploration radiophonique de la North with One List. Ouais. C'était un très grand plaisir de écouter tous ces albums-là. C'est rarement que j'écoute plusieurs albums de suite de même groupe, mais c'est durant une semaine que j'ai beaucoup réécouté Ken et je suis très satisfait. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant curieux et pour creuser un peu plus loin dans l'histoire de Ken et de son catalogue impressionnant. Groupe qui existe encore ou plus du tout ? Non, plus du tout, mais parce qu'il y a déjà 3 membres qui sont décédés. Ah. Mais il y a encore, depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, un nouvel album qui était sorti. C'était un live concert qui était enregistré en 75. Donc, c'est encore des vieux enregistrements qui sortent assez régulièrement. Mais il n'y a pas des choses nouveaux qui sortent, mais c'est justement Herman Schmidt, il vit encore avec sa femme, et c'est elle qui est derrière, qu'ils ont créé un label qui s'appelle Spoon Records. Il y a chaque 2-3 ans, je pense, qu'il y a des albums qui sortent. Et si que vous êtes vraiment intéressé de découvrir un peu l'œuvre de Ken, il y a un chouette album qui était sorti, je pense, en 2012. Et là, il y a 3 albums qui sont sur... c'est 3 CD qui s'appellent The Lost Tapes. Et là, c'est tous des morceaux de différentes périodes. Et je pense que c'est une très belle introduction aussi sur l'œuvre de Ken et aussi avec plusieurs versions inédites. Ouais, alors là, je te plus sois complètement. Je l'ai, ce Lost Tapes. Moi, je l'ai version vinyle. C'est 5 vinyles. Et il y a notamment pas mal d'enregistrements avec Malcolm Mooney qui sont vraiment fabuleux. Des morceaux, on se demande vraiment pourquoi ils n'ont jamais été sortis. Pourquoi est-ce que ces tapes se sont lostés? Parce que franchement, c'est de la fort belle ouvrage. Et ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est une très, très belle porte d'entrée, ce Lost Tapes, pour découvrir Can dans toutes ses facettes. Sinon, il y a Kanye West qui a fait un sample de Cannes. Non, sérieux ? Oh, wow. En 2007. Tu connais le nom du morceau ou pas du tout ? Ouais, c'est Drunk and Hot Girls. Oh, trop bien. C'est le morceau Sing Swan Song de Cannes qui a été samplé par Kanye West. Musique intemporelle, hein. C'est incroyable. Quand on dit que c'est un de Stockhausen à Kanye West. On part de Stockhausen qui était leur prof de musique, je crois, à Kanye West. Donc c'est quand même c'est incroyable. Hein. Ah, c'est fou, mais ouais, carrément. Ben voilà. Mais beaucoup de grands écarts au sein de la liste et carrément beaucoup de grands écarts au sein d'un même groupe dans cette liste. On s'est vachement attardé sur Cannes, comme on a pu le faire sur Bifart, comme on le fait de temps en temps, mais il faut dire que voilà, quand on a affaire à des groupes qui ont une telle discographie, qui ont exploré tellement de sons, si on passe que des extraits d'un album, en fait, on n'est pas complet, on ne présente pas vraiment le groupe, alors on est obligé de s'attarder. Et ouais, c'est ce qu'on appelle une douce et belle obligation, je trouve. Ah bah oui, carrément. Est-ce qu'on va s'attarder avec toi, Inès, un petit peu, pour alors, conclure cette émission ? On va pas s'attarder. Non, pas du tout. C'est la fin de l'émission. Il est un peu tard. Il est 23h15. Mais j'ai envie de vous parler d'un dernier groupe. J'ai envie de vous parler de Creative Rock, un groupe qui a commencé en 69 sous le nom de The Bourbon Street Parader. Groupe né du milieu du krautrock, groupe allemand. Mais très vite, ils vont se tourner vers autre chose. Ils vont se tourner vers la musique jazz-rock, des influences soul, des influences funk, des influences free même. Et ils sortent un premier album en 72 qui s'appelle Gorilla. C'est l'album qu'on va écouter ce soir. En tout cas, on va écouter un morceau de cet album. Et c'est assez drôle parce que quand j'ai exploré cette liste et les groupes qui étaient proposés pour ce soir, je suis tombée sur un groupe qui n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans ce qu'on découvre dans ces émissions. Et elle m'a bercée ce matin, j'ai écouté cet album, j'ai bu un café, il faisait soleil. Et c'est le genre de musique qui mérite pas forcément une énorme biographie, parce que bon, voilà, en fait, c'est des musiques qui s'écoutent, c'est des musiques d'ambiance, c'est des musiques avec lesquelles on a envie de vivre et qu'on aime juste pour ce qu'elle est. Et je trouve que c'est agréable de finir l'émission avec un truc un peu léger et plus sympathique. Et je suis ravie de vous faire écouter ce soir. Le morceau qu'on va écouter, c'est Earth, White, I'm Talking. On est sur une influence, ouais, vraiment jazz, soul. Et c'est ça qui est magnifique. Ce groupe, ils ont fait 2 albums. Donc 72 avec Gorilla qu'on va écouter. Et 74 avec un groupe, avec un album qui s'appelle Lady Pink. Ils sont 9. Il y a une réelle complexité d'écriture sur la partition, les cuivres. Il y a 2 sax ténors, 1 sax alto et des flûtes, voix, guitare, batterie. Mais je suis assez étonnée de comment ils ont amené cette complexité d'écriture à des influences soul et jazz qui sont légères à écouter et pas très complexes à aborder. Et je trouve que ce mélange est vraiment réussi. Et je suis ravie de finir cette émission avec ce morceau. Donc Manu, si t'es chaud, on va écouter Earth, White, I'm Talking. Thank you. floor. Yesterday you stayed by my side. Now the mess is different for you. To feign your love, to feign your love. Hear what I'm talking, woman. Glance at your eyes. Sometimes it was true. And there was a self-divided tenderness between me and you. But then come this car's day. On vient tout juste d'écouter Earth, White, I'm Talking du groupe Creative Rock de l'album Gorilla qui est sorti en 72. Groupe qu'on écoute le matin, qu'on écoute le soir, qu'on écoute à l'apéro, qu'on écoute le midi. Groupe qui, moi, me fait plaisir juste par leur influence et la manière dont ils abordent les musiques soul et les musiques funk et jazz. On débattait de ça avec Manu, mais dans un milieu, dans les années 70, en Allemagne, au fin fond de l'Allemagne, dans le milieu krautrock, ils dépassent un petit peu tout ça en disant « Mais en fait, on a envie d'explorer autre chose, on va explorer des musiques qui sont nos influences personnelles. » Et je trouve que ça donne un mélange assez incroyable. Je vous incite vraiment à écouter l'album en entier parce qu'il est étonnant. Il y a des gros morceaux de free, en tout cas des nappes un peu de free qui abordent la musique improvisée, qui sont vraiment intéressantes. Et en même temps, c'est un groupe, c'est un album pour moi qu'on écoute le matin au réveil et qui fait vraiment plaisir, quoi. Un album qui appelle le soleil, quoi. Exactement. Et ben c'est pas le soleil qu'on entend derrière moi, mais les douces mélopées de Samla Mamasmana. Peut-être qu'on en parlera un jour, hein, quand on lancera la lettre S. Hein, mais il y en a pour un moment et il y aurait plein de choses à dire. Là, je pense pareil. Là, Samla, si c'est moi qui m'en occupe, ça va bien durer son heure. Il est 23h25 et c'est ainsi que s'achève 773e édition de Vraiment Autre Chose. C'était Au pied de la lettre, 10e édition de notre hors-série consacrée donc à la Nurse With Wound List. Ce soir, c'était pas prévu au début, mais finalement, on s'est pas mal attardé. On a parlé juste de 4 groupes ce soir. On a vraiment pris le temps d'explorer des discographies ou d'explorer des albums. Et on va faire le petit récap de fin d'émission, interminable mais immanquable récapitulatif de fin d'émission. J'ai beaucoup parlé de Chrome, pareil, c'était pas prévu quand on s'est partagé les groupes. Je pensais parler de 2 groupes et parler vite fait de Chrome, mais en fait, après écoute et réécoute et réécoute, j'ai dû me rendre à l'évidence, il allait falloir s'y attarder. Ça a été un crève-cœur que de sélectionner des morceaux. Donc, Chrome, particulièrement 2 albums dont j'ai parlé ce soir, Alien Soundtracks, paru en 76, et Half Machine Lip Moves, paru en 1979. On a quand même commencé notre exploration par un extrait de leur premier album, The Visitation, ce fameux son des Doors qu'aurait foiré un album, je cite la Warner. On a écouté le titre Sun Control. Ensuite, on s'est longuement attardé sur Alien Soundtracks, mais on s'y est pas assez attardé. Il faudrait s'y attarder tout un album, et c'est ce que je vous invite à faire, amis auditeurs. Ça s'écoute sur Bandcamp, jetez-vous dessus. C'est incroyable, c'est inventif, c'est riche, c'est déroutant, c'est déstabilisant. C'est les prémices de beaucoup, beaucoup de choses, et c'est aussi la ressucée. Enfin, ils ont avalé des choses, dont notamment Cannes, à mon avis, et ils s'en sont servis pour créer une musique qui, de mon point de vue, fait date et qui rappelle beaucoup de choses qui se sont faites par la suite. Donc on a écouté de cet album Alien Soundtracks, on a écouté les titres Chromosome Damage, The Monitors, Split It to the Android, et on a fini avec Magnetic Dwarf Reptile. Ensuite, donc, on est passé en 79 avec l'album Half Machine Lip Moves, ou comment Chrome invente ou pose les bases de la musique indus, mais vraiment. On a juste écouté 2 titres, il aurait fallu en écouter plus, mais ça, on va vous laisser le faire chez vous en le temps que vous aurez choisi. Nous, on a écouté Mondo Anthem, suivi de Abstract Nympho. Ensuite, on est passé à Henri Chopin avec Tony. Oui. On a écouté les 3 premiers morceaux de Audio Poème, un album d'enregistrement entre 1956 et 1980. Je voulais juste rajouter un truc, excusez-moi, mais qu'on peut faire plein de choucroutes différentes. On peut faire de la choucroute traditionnelle, de la choucroute de la mer. Je pense qu'on peut faire de la choucroute rougaille, ou de la choucroute paella, ou de la choucroute végétarienne. Mais tellement. Ah, la veggie choucroute, veggie kraut. Ah, mais tu fais bien de le préciser, effectivement. On a toujours collé des étiquettes, trouvé des qualificatifs parce que ça aide. Et ce qualificatif de krautrock, d'ailleurs, il était plutôt péjoratif. On en a parlé, c'était ouais, l'émission numéro 3. Ça, je ne l'ai pas encore dit, mais toutes nos anciennes émissions, vous pouvez les écouter sur Mixcloud. Mixcloud, vraiment autre chose. Mixcloud Radio. Il y a des playlists consacrées à cette nursery. Une liste. Et si vous écoutez la troisième ou la quatrième édition, on avait longtemps digressé sur les raisons de cette appellation krautrock. Est-ce que c'était péjoratif? C'était les Anglais qui avaient créé ça pour se moquer un petit peu des Allemands qui font du rock choucroute. Et en même temps, on a déterré un vieux morceau d'Amandoul où eux-mêmes se définissaient comme faisant de la musique choucroute. Alors on s'y perd. Est-ce que c'est de l'autoqualificatif ou est-ce que c'est péjoratif? En tout cas, c'est le terme qui est resté, mais tu as bien raison de le préciser. C'est juste un terme qui définit vraiment un champ qui est extrêmement vaste. Ceci dit, Henri Chopin ne faisait pas du krautrock. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il faisait Henri Chopin, là, rappelle-nous? Bah, c'est dur à définir en fait, hein. C'est de la poésie, de l'audio-poésie, je ne sais pas trop comment l'appeler en fait, hein. Il faisait de la poésie sonore avec des micros, des bandes magnétiques et avec sa bouche, bah ouais, avec son corps. C'est très bien défini. Voilà. Et donc on a écouté 3 extraits de l'album Audio Poems. On a écouté Rouge, ensuite on a écouté Dynamisme Intégral. Qui fait penser vraiment à du brutisme, mais qui en fait vraiment ce sont que des bruits de bouche. Et ensuite, on a écouté French Lesson, un morceau qui s'appelle French Lesson. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de morceau avec William Burroughs, mais je serais bien curieux d'entendre ça. Il était mortel ce French Lessons aussi, vraiment. Tout à fait. Et ensuite, on est passé à Cannes, gros morceau. Tout à fait. Tout à fait, on a pris un peu le temps de se balader en Cologne où que le groupe était constitué et il y a 4 membres qui restaient toujours ensemble, c'est Holger Zukai, Herman Schmidt, Jackie Liebezeit et Michael Caroli, et ils sont accompagnés souvent avec des chanteurs différents et on a entendu 7 morceaux de 6 albums différents. On a commencé de leur tout premier album où que le groupe s'appelait encore The Cam. Le morceau, c'était Outside My Door, qui venait de leur premier album sorti en 69 et qui s'appelait Monster Move It. On a enchaîné avec Vitamin C, qui venait de leur album qui était sorti en 72, qui s'appelait Ege Bamyasi. Ensuite, c'était Mushroom de l'album Tago Mago, qui était sorti en 71. Ensuite, on a été visiter un peu l'univers de 1975 de l'album Landed, où on a écouté le morceau Hunters and Collectors, enchaîné avec le morceau de l'album Limited Editions qui s'appelait Mother Abduff, qui était sorti en 74. Ensuite, on a entendu un morceau qui venait de l'album Flow Motion, qui était sorti en 76, avec le morceau très disco I Want More. Et pour clôturer de cet épisode avec Ken, nous avons entendu un morceau qui venait aussi de l'album sorti en 71, Tagamago. C'était un très long morceau qui s'appelait Picking O. Et enfin, Inès. Et on a fini l'émission sur le groupe Creative Rock avec le morceau Hear What I'm Talking de l'album Gorilla sorti en 72. Et ben voilà, c'était très riche. Le récap est lui-même tellement long que la musique des génériques c'est terminé. Allez, franchement, allez, un petit plaisir quand même. ce serait dommage. On va se séparer sur un dernier morceau de Cannes. Qu'en dis-tu? Comment ça va faire plaisir ça? Mais ouais, ça va faire carrément plaisir. Ah oui. Et puis on souhaite à tous nos auditeurs une bonne fin de soirée. Les copains, on se retrouve jeudi prochain, du coup. Tout à fait. Avec bonne semaine. La suite. Trop bien. Oh là là, parfait. Ça va être chouette. Nickel. Eh ben, gros bisous à vous, gros bisous à tous. Merci de nous écouter sur Radio Radio. Et on va se quitter avec un dernier morceau de Cannes. On en a parlé tout à l'heure. Le morceau s'appelle Spoon. Et c'est tiré de l'album Edge Bamiyasi, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est ça. Allez, à bonne fin de soirée à tous. Ciao. Bisous au revoir. Tout le monde. With a fork, with a knife, speaks a joke, she stops the life. Carry a moon in the afternoon, having a spoon, she will be soon.